بسم الله الرحمن الرحيم حاميم Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha, mim. Aïn, sin, qaf. Aïn, sin, qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. C'est ainsi que t'envoies ces révélations, comme à ceux qui t'ont précédé. Allah, le Tout-Puissant, le Sage. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. Il est le très haut, le très grand. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Les cieux manquent de se fendre depuis leur voûte. Lorsque les anges lui rendent gloire, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui peuplent la terre. Il est, certes, l'absoluteur, le tout miséricordieux. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Quant à ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui, Allah est le gardien qui les surveille. Et tu n'es point leur garant. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. Ainsi, t'avons-nous révélé un Coran en langue arabe pour que tu avertisses la mère des cités et ceux qui l'entourent, et pour prévenir du jour de rassemblement à propos duquel il n'y a nul doute. Il y aura alors un groupe au paradis et un autre groupe dans la fournaise. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Si Allah l'avait voulu, il en aurait fait une communauté unique. Mais il accueille qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'ont ni protecteur ni allié. اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Ou alors se sont-ils donnés en dehors de lui des protecteurs? Or, c'est Allah qui est le protecteur. Et c'est lui qui fait revivre les morts, et c'est lui qui est de toutes choses infiniment capable. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Quels que soient vos différends, c'est Allah qui en détient le jugement. Tel est Allah, mon Seigneur. À lui je m'en remets et vers lui je reviens, repentant. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Créateur premier des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et à partir des bestiaux, des couples. Ainsi vous dissémine-t-il sur terre. Il est à nul autre semblable. Il entend tout et il voit tout. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Il détient les clés des cieux et de la terre et dispense ses bienfaits à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Il est de toutes choses savant. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il a prescrit pour vous dans la religion ce qu'il a prescrit à Noé et ce que nous t'avons révélé. C'est ce que nous avons aussi prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez la religion, et qu'elle ne vous soit pas un prétexte de scission. Ce à quoi tu invites les associâtres leur est lourd à porter. Allah choisit ceux qu'il veut pour faire d'eux ses préférés, et il guide vers lui quiconque se repent. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Ils ne se sont divisés qu'après que la science leur fut parvenue, et ce, par hostilité des uns envers les autres. N'eût été le verdict de ton Seigneur déjà prononcé pour un terme nommé. Ils auraient été départagés. Mais ceux qui, après eux, ont hérité du livre, sont dans le doute le plus troublant au sujet de leur religion. <t'en> وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Convie donc les hommes à cette foi. Suis la voie de la droiture comme il t'a été ordonné. Ne te laisse pas aller à suivre leur penchant et dis: je crois à tout livre qu'Allah a fait descendre en révélation. Et ordre m'a été donné de juger entre vous équitablement. Allah est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos propres œuvres et vous avez les vôtres. Il n'est aucun argument de dispute entre nous désormais. Allah nous réunira tous et c'est vers lui que sera le devenir. في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Ceux qui disputent à coups d'arguments au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à son appel, leur argument n'a nulle valeur auprès de leur Seigneur. Sa colère s'abattra sur eux et ils auront un terrible supplice. Allah, الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. C'est Allah qui a fait descendre en révélation le livre en toute vérité et a établi la balance de la justice. Qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est toute proche. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Ceux qui n'y croient pas voudraient en hâter la venue, et ceux qui y croient en redoutent l'arrivée. Ils savent, quant à eux, qu'elle est pure vérité. Ceux qui doutent de l'heure vont loin dans l'égarement. Allah latif bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il dispense ses bienfaits à qui il veut et il est le fort, le tout-puissant. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Quiconque veut récolter la moisson de l'autre monde, nous accroîtrons pour lui sa récolte. Et quiconque veut récolter la moisson de ce bas monde, nous lui donnerons de ce qu'il désire, mais il n'aura droit à aucune part de l'autre monde. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Ou alors ont-ils des associés qui ont prescrit pour eux dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Si le verdict tranchant n'avait pas été prononcé, ils auraient été départagés. Les injustes auront, certes, un supplice très douloureux. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Tu verras les injustes, redoutant les actions qu'ils ont commises. Le supplice fondra sur eux inexorablement. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront, eux, dans des jardins verdoyants. Auprès de leur Seigneur, tous leurs désirs seront satisfaits. Telle est la faveur suprême. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Telle est l'heureuse nouvelle qu'Allah annonce à ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis, je ne vous réclame pour cela aucune récompense. Or l'affection due aux proches. Quiconque accomplit une bonne action, nous la lui rendons encore meilleure. Allah est absoluteur et si reconnaissant. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ou alors, disent-ils, ils débitent des mensonges sur le compte d'Allah. Mais si Allah voulait, il imprimerait un sceau sur ton cœur. Allah, par ses paroles, efface l'erreur et établit la vérité. Car il sait parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Il exauce ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres et leur ajoute de ses faveurs. Quant aux mécréants, ils sont voués à un terrible supplice. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Si Allah dispensait trop largement les bienfaits à ses serviteurs, ceux-ci se livreraient aux abus sur terre. Mais il leur envoie avec mesure ce qu'il lui plaît d'envoyer. Il est certes parfaitement informé de ses serviteurs et il est, à leur sujet, infiniment lucide. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. C'est lui qui fait descendre la pluie bénéfique après que les hommes en désespèrent et répand sa grâce, lui, le protecteur, le digne de toute louange. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. L'un de ces signes est la création des cieux, de la terre et de tous les êtres vivants qui y sont dispersés. Or, il est infiniment capable de les réunir quand il le voudra. Aucun malheur ne vous frappe qui ne soit dû aux œuvres commises de vos propres mains. Mais il vous en pardonne beaucoup. Aucun malheur ne vous frappe qui ne soit dû aux œuvres commises de vos propres mains. Et il vous en pardonne beaucoup. Parmi ces signes sont les vaisseaux voguant en mer, hauts comme des montagnes. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. S'il veut, il calme les vents, mais les vaisseaux restent alors immobiles à la surface de la mer. Il y a certes là des signes pour qui est persévérant et reconnaissant. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ou bien, s'il le voulait, il ferait couler ses vaisseaux en punition de ce que les hommes ont commis comme péché. Mais il en pardonne beaucoup. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Afin que ceux qui disputent au sujet de nos signes sachent bien qu'ils n'ont aucune issue pour se sauver. فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Rien ne vous a été donné qui ne soit jouissance éphémère de ce bas monde. Ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, et qui, même sous l'emprise de la colère, pardonne volontiers. Et ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur accomplissent la salate, et dont les affaires sont, entre eux, sujet de concertation. Ceux qui dépensent en aumône des biens que nous leur dispensons. Et ceux qui, lorsqu'ils sont injustement agressés, se défendent. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. À tout tort subi, une sanction égale. Celui qui pardonne cependant et cherche réconciliation, trouvera sa récompense auprès d'Allah, qui, lui, n'aime pas les injustes. Ceux qui se défendent contre une injustice, ceux-là ne sont sujets à aucune poursuite légale. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Il n'y aura de poursuite que contre ceux qui commettent des injustices envers les autres, qui se livrent sans juste raison aux abus sur terre. Ceux-là subiront un supplice très douloureux. Endurer et pardonner. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. Celui qu'Allah égare n'aura point d'autre protecteur. Mais tu verras les injustes dire, en voyant le supplice, « Est-il encore possible de revenir sur terre ?» وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Tu les verras, qui comparaîtront au devant de l'enfer, la tête baissée d'humiliation et regardant de biais. Ceux qui ont cru diront, les vrais perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, se seront perdus eux-mêmes et auront perdu leur famille. Les injustes seront certes voués à un supplice sans fin. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. En dehors d'Allah, ils n'auront pas de protecteur qui viendront à leur secours. Celui qu'Allah entend égarer ne retrouvera plus son chemin. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Répondez donc à l'appel de votre Seigneur avant que n'arrive un jour qu'Allah ne différera pas. Ce jour-là, vous n'aurez point de refuge ni d'endroit où vous dissimuler. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. S'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Il ne t'incombe que de transmettre notre message. Lorsque nous faisons goûter aux hommes une grâce de notre part, ils s'en réjouissent. Mais dès qu'un malheur les frappe, pour prix de ce qu'ils ont commis de leurs propres mains, voilà que l'homme se montre outrageusement ingrat. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. C'est à Allah que revient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut des filles et donne à qui il veut des garçons. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Ou mêle à la fois garçons et filles. Et il fait stérile qui il veut. Il est omniscient et omnipotent. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Un humain ne peut espérer qu'Allah lui parle, si ce n'est par révélation, de derrière un voile, ou par l'envoi d'un émissaire qui révèle, par sa permission, ce que lui veut. Il est certes très haut et sage. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'est le livre, pas plus que tu ne savais ce qu'est la foi. Mais nous en avons fait la lumière, dont nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu ne guides en vérité que vers une voie droite. La voie d'Allah, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Certes, c'est vers Allah qu'ira le devenir de toute chose.